بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية تم دمجن أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم واقتفى. ما بعد، دونك on a pu voir leçon 17. C'était une petite révision de ce qu'il y avait auparavant, avec un petit peu de vocabulaire. Donc vous interrogez par rapport au vocabulaire. C'est quoi Sharika? Société, son pluriel? Sharikat. Moudir Sharika. Directeur aussi. PDG. Rakhis, c'est quoi? Rakhis. Rakhis, c'est tout coûté. C'est peu coûté, c'est pas cher. Une chose qui est pas chère. Son nom inverse, c'est quoi? Rakhis. C'est quoi l'inverse, le contraire? Ghali. Alors Ghali. Ghali, il est cher. Khamis. Al-Khamis. C'est pas Al-Khamis. Eux ils disent chemise, mais le plus connu, Khamis, il y en a qui sont étudiés quand on dit Al-Khamis. Donc il y a un peu aussi à Béhé Al-Khamis. C'est le Mahraf, Al-Khamis. Dans la leçon numéro 18, قال الدرس الثامن عشر المدرس قال كم أخا لك يا محمد. Donc il y a une nouvelle chose, c'est Kem. On va le voir, c'est un ism istifham que tu utilises, Yannick, pour demander, Yannick, c'est combien. Donc, tu veux demander au niveau de l'adad. Mais Kem, il a plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Ça peut être aussi Kadalika, Yannick, ta'adjub. Kem kitabin lak. En gros, là, t'as ta'adjub. C'est utilisé Kadalika lorsque tu veux t'étonner sur une chose. Enfin, tu vois, le frère a beaucoup de kutub. Donc, Kem kitab, maral, il faut l'intonation aussi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire combien t'en as? Non, en gros, tu t'en as tellement. Tu vois? Mais là, ce qui est utilisé là, il a plusieurs fonctions. Ça, vous allez le voir, je crois, dans le tome 2 ou 3. Kam, ta'adjubiyya, pour utiliser pour l'étonnement. Lakin, celle-là, c'est quoi? Istifhamiyya, pour poser une question. Kam kitabin ou kam kitaban, laka ya akhi. Combien de livres as-tu, mon frère, ou Muhammad plutôt? Kam akham, il a dit. Kam akham laka ya Muhammad. Et on regardait encore une fois de plus, il n'a pas dit kam akham indak. Pour montrer que Yanni, lorsque tu veux. Apporter un lien d'appartenance, comment ça s'appelle, d'appartenance au niveau. Un lien de parenté plutôt. Tu vas utiliser quoi? Yanni lak. Li, tu vas utiliser lak. Enfin, le lam, la mujar. Li, akhun. Li, ukhtun. Tu dis pas indi, ukhtun. Indi, kada. Parce que indi, c'est comme si tu voulais exprimer qu'elle est auprès de toi, elle est à côté de toi. Amma li, il y a un lien de parenté. Allahu a'lam. Qala li, akhun, wahidun. Comme vous avez pu voir, après. Kam al-istifhamiyya, yani le mot, il est décliné d'une autre manière. Kam akhan. Vous pouvez voir, ça s'appelle, yani ce mot-là, il est mansouf, on va le voir, tamiz. On va le voir, inshallah. Qala li akhun wahidun, j'ai un frère. C'est quoi l'i'arab de li akhun wahidun? C'est quoi l'i'arab de li akhun wahidun? Li, donc li, c'est. Déjà, on est dans le jumla ismiya, wa li. Ou à l'auteur, c'est le frère. Li, Ahun, la réponse est Li, Ahun, j'ai un frère. Prends pas le français. Là, il y avait une petite carrière. Je crois que même, on l'a fait dans le contrôle en plus. Li, ce qui suit Li, c'est directement. On avait dit, lorsque. Tu vas voir généralement que le khabar, dans une jumla ismiya, De tel, lorsque tu vas voir le harf jar, celui qui précède, généralement c'est quoi? C'est le khabar, le muqaddam. Et tu verras kazalika, que le mubtada, après, il sera singulier. Ou plutôt, il sera nakara. Que le mubtada, normalement, il est ma'rifa. Normalement, il est ma'rifa, parce que tu ne peux pas apporter une information sur une chose qui n'est pas inconnue, qui est indéterminée, qui n'est pas connue. Obligé de ramener une information sur. Je dis miftahun maksour. Miftahun maksour. Tu veux me dire quelle, laquelle? Alors je dis al miftah maksour, mais en azalika, le miftah que. Je suis en train que Yanni, que tu connais. Al-Sheikh Moujoud. Al-Sheikh qu'on connaît. Al-Sheikh Yahya, mathalan. Alors tu dis Sheikh Moujoud, va dire qui? C'est pas Moufid. Parce que le Moufid, c'est la personne dès qu'elle entend. L'information, khalas. Elle a compris. Elle n'a pas besoin de te redemander encore. Laya tachawwa fi laish ila fa'ida. Akhdani akhtar. Fakazalika hahuna. Lakin huna, on va le voir pourquoi, yani là on s'est suffi, parce qu'il a été qualifié comme le kalifat. Et le mudaf mudafine, il est là. Non, il n'y a pas de mudaf mudafine. Ah si, si, mudafine, le lam avec le ya. Ah, ouais. Avait... Non, c'est même pas un mudaf mudafine. D'accord. Là c'est quoi? C'est harf jar avec le jar, le harf jar avec le ism majrur. Parce que le harf jar, ce qui vient après lui, ça ne peut pas être mudafine. Celui qui connaît la réponse, fahuahu. Pourquoi? Parce qu'on a dit, c'est quoi les drafas? Nisbatu bayna smayn. Un harf, c'est pas un ism. C'est une appartenance qui est entre deux noms. Et le harf, c'est pas un nom. Donc, tu ne peux pas trouver un harf, et ce qui va suivre derrière, c'est quoi? Mudaf ilayhi, abed. Donc, le mudaf, c'est. Il n'y a pas de mudaf. Non, du tout. Du tout, abed. Parce que l'am, c'est l'am jar. Ou l'am jar, c'est un harf. Et le harf, c'est ma'ruf. C'est comme muqtada wa khabar. Si tu vois le harf jar, celui qui vient après, c'est quoi? Ism majrur. C'est celui qui a subi l'action du jar. Ouais. Hein? Donc, lila, le lam, c'est tu dis harf jar, et le ya, tu dis quoi? Ismu majrur. Majrur. Qui a été? Qui a subi l'action du jar. Donc, il dit li akhun wahidun. Qala wa kam ukhtan laka. Combien as-tu? Deux sœurs. Il dit li ukhtan. Li ukhtan. J'ai deux sœurs, donc là, duel. Lia, Urtani, j'ai deux sœurs. Il n'a pas dit Lia Khawat, j'ai des sœurs. J'ai deux sœurs. Donc là, la notion du quoi? Du duel. Comment tu le fais? On va le voir. Tu rajoutes le alif et le nun au singulier. Muslimun, muslim, musliman. Kafirun, kafir, kafiran. Et là, la preuve qui nous montre qui est marfou, le alif. Donc ça, c'est une halama qui remplace la dhamma. Le alif, elle remplace la dhamma et le nun, il remplace la tanwin. Le nun après, il remplace la tanwin. On va le voir tout cela. Comme, qala kam ajalatan lidarrajati ya hamidu. Il a dit, le vélo, il a combien de roues? Kam ajalatan. Ajala, c'est quoi? Les roues. Kam ajalatan lidarrajati ya hamidu. Le vélo, combien a-t-il de roues? Il lui dit laha. Le ha ici, il revient à quoi? Darraja. Et darraja, c'est quoi? C'est féminin. C'est pour ça qu'il a dit laha, il n'a pas dit lahu. Laha, ay. Le vélo, ajalatan, il a deux roues. Qala kam idan fi sanati ya Zakariya. Combien a-t-il de, on va dire, de cérémonies, de fêtes dans l'année ya Zakariya? Faqala fi sanati idan. وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. Il a dit هما. Ça revient à عيد. Ça revient à عيد. يعني c'est lesquels ces deux عيد là? Ce sont عيد الفطر وعيد الأضحى. المولد. Alors, tu vas tout bien Allah. Sinon, on peut rentrer dans Noël, on peut rentrer dans beaucoup de choses. Ah ouais. المولد, c'est une bid'a. Aslan, il a fait à un moment où il n'est même pas né, le prophète. C'est pas en même temps. En plus. Ouais, même pas sûr. C'est juste né à lundi. Ouais, non, mais. À la Kullahel, dans l'année, il y a combien d'Aïd? Deux. À qui? Plus du Jumu'ah, ils disent que c'est des petits Aïd. Ils considèrent le vendredi et du Jumu'ah comme un Aïd. Ils disent qu'il y en a? Il y en a deux. Cinq. Sahih. Oui, vraiment. Non, c'est juste ça. Le Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Eid al-Adha. Eid al-Fitr. Eid al-Fitr. عرفة. اه سيدي. لو علموا لاتخذنا عيدا يا مخالة. وايام التشريق. يا ابراهيم. صفحة العيد. دونك يجي يا ابراهيم. يا ابراهيم يا ابراهيم ويا ابراهيم مي. ابراهيم. او يا ابراهيمون. ابراهيم. اخوة. بس كي يا كذلك. اصلا سي ابراهيم ابراهيم ابراهيم يعني سانو اتخانجي كي با اون واتير كي با عرب اي سانو ابراهيم ابراهيم كاسي اتخانجي انا دي لي نون بروب اعجمي كي سون با عرب اي برون با دو تنوين يا ابراهيم ابوك تاجر كبير كم متجر عنده يا ابراهيم تون بير سي ان غران كوميرسون كي لا كوم كم متجر متجران. C'est quoi c'est متجران c'est commerce. Ah ouais, combien de commerce combien de commerce a-t-il hein متجران. متجران. J'ai mis une seconde sur le j le ta. متجران. عنده. Combien il a de commerce متجران c'est le اسم مكان on va le voir ça. اسم مكان du l'endroit où tu fais le commerce. Si tu veux dire en français, en traduction vraiment appropriée, tu diras l'endroit du commerce. Parce qu'on va le voir, c'est commerce, c'est un commerce. Commerce. En français, tu dis commerce. Laquelle, eux, ils appellent ça ismu makan. Madrasa, c'est le lieu où tu étudies. Masjid, c'est le lieu où tu te prosternes. Kadalika, kathir. Al-mal'ab, c'est le lieu où tu joues. Donc on va le voir, il est pour former le ismu makan, tu rajoutes le mim à la racine. La'iba, le verbe c'est la'iba. Tu veux le ismu makan? Tu vas le mettre sous le wazn de quoi? Maf'al, mal'ab. Donc, عنده متجران كبيران. Il a deux grands commerces. Donc là, le khabar, كذلك plutôt. عنده متجران كبيران. Il est le montalé, le khabar. C'est comme li, avec le harf jar, la même chose. Vous allez prendre le grec, vous allez voir dans l'arabe que les grammairiens, avec le harf jar, والظرف الزمان بالمكان ils ont comment ça s'appelle du laxisme on va dire ça comme ça c'est à dire que des fois tu vas voir qu'il y a des qaïda qui s'imposent à eux-mêmes mais lorsque le jar va mettre rentre dedans yani ça chamboule toute la qaïda ils disent lorsque le jar va mettre on voit que les amens ils viennent on fait comme si jamais on n'avait rien vu yani c'est cette chose là on va pas dire que notre qaïda là bah elle tient pas debout parce que le ظرف c'est à dire le ظرف الزمان والمكان ou le harf jar lorsqu'il rentre t'as même dans des, certaines phrases il y a une qaïda que tu as pu voir peut-être et elle va te la chambouler maintenant la même chose avec le muntada wa khabar la qaïda de muntada wa khabar c'est quoi c'est que le muntada il vient en premier lieu ensuite le khabar et que le muntada il est quoi il est toujours comment s'appelle ma'rifa et le khabar il y a une barda de kaka de kaka ma'rifa je veux dire nakara lakin là ça chamboule tout ils disent يعني إذا جاء حرف الجر أو ظرف الزمان والمكان تسامحوا في ذلك يعني فهم الجزء تمام؟ يعني فهم الجزء سواء قاعدة لا قاعدة سكواش كده مبتدئ كمص تمام؟ لكن الحرف الجر الظرف الزمان كذلك سدي شو اسكي فين كي شو نقول لا قاعدة تمام؟ لوك لا لا سكوا عنده سه خبر مقدم لا مهم شو اسكو لي دوك سامي شو تقول في دانجين فراس دومينال لي تجي سي خبر تي Il a dit qu'il n'y a pas d'idafa. Ouais, je parle d'idafa. Ah ouais. Donc, il lit, ou on va dire un harf jar. À partir du moment où tu vois une phrase nominale qui commence par un harf jar. Ou bien un harf zaman, tu peux être sûr et certain que ces deux-là, ça va être quoi? Un khabar, ce qui suit après, c'est quoi? C'est un mubtada. Ce qui suit après, c'est un mubtada. Donc, ma'jaran, c'est quoi? C'est mubtada. Et kabiran, c'est quoi? Na'at. Donc le na'at, il doit suivre, le mubtada, on fait plutôt le man'out dans tous ses états. Donc là, duel. Qala kam nafidatan fi ghurfatika ya Isma'il. Combien y a-t-il de fenêtres dans ta ghurfa ya Isma'il? Qala fiha nafidatan. Il y a deux vitres, ou plutôt deux fenêtres. Donc nafidah, c'est le singulier. Si tu veux mettre le duel, le terme marbouta, de toute façon, c'est celui qui s'écrit toujours comme ça à la fin. En milieu de mot, tu ne peux pas trouver un thème arbota. Donc, il redevient matouya. Il revient normal. Ah, et tu rajoutes l'alif et le mot. Nafida. نافذة. Tu rajoutes l'alif noun, ça fait nafidatan. قال لمن هذان الدفتران. لمن هذان الدفتران. هذان, c'est quoi? Ism ishara. Lakin pourquoi? Le duel. C'est هذا auquel on a rajouté quoi? Alif ou noun. لمن هذا الدفتر. Il y en a deux. لمن هذان الدفتران. قال لمن هذان هذان الدفتران. Donc هذان c'est pourquoi? Deux. Mais qui est? Féminin. Masculin, je veux dire. Masculin. On va le voir, parce que pour le féminin, tu dis Hatan. Ah ouais, ah ouais. Mais ah ouais. Le pluriel là, des objets là. En duel, il devient féminin. Lequel? Le pluriel? Des objets. Non. Les règles, les marques. Parce qu'il est là, non. Il dit pluriel. Si, il reste comme il est. C'est-à-dire que. Mais c'est un pluriel de duel. Le duel, c'est pas. Non, il y a pas, tu peux pas trouver un pluriel duel. Duel c'est duel, pluriel c'est pluriel. Voilà. Pluriel, et il faut un différent, César, entre deux et tout ce que tu trouves. Et au-dessus de deux. Au-dessus de deux. Ça ils appellent duel, les autres ils l'appellent pluriel. قال لمن هذان الدفتران. هذان يعني هو الواو اسم إشارة للمثنى المذكر. قال هما لي. هما دي إما المبتدأ مبتدأ خبر. قال لمن هاتان المسترتان. المسترة c'est une règle. À qui appartient ces deux règles? قال هما لي. Inch'Allah, on va commencer par le duel. Donc le premier, la grande règle d'aujourd'hui, c'est quoi? Al-Muthanna. Al-Muthanna, wa ma dalla ala ithnain aw ithnatayn. C'est ce qui indique deux ou trois. Au deux ou bien au féminin ou masculin. Féminin ou masculin. Ce qui indique qu'il y en a deux. Le nombre deux. Wa ma dalla ala ithnain aw ithnatayn. C'est bon? الاسم إشارة هذان وهاتان. Donc les deux là c'est quoi? اسم إشارة للمثنى pour le duel القريب المذكر. Ça c'est pourquoi هذان. هاتان c'est la même chose المؤنث. وهما معربان. Ils sont variables. مثلا mais هذا c'était مبني. Ça bouge pas, ça bouge jamais. Il est invariable. رأيت هذا مشيت بهذا هذا صاحبي. Il bouge pas. Ah mais ceux-là ils vont bouger. Si jamais tu vas mettre un ism jar قبل ذلك في هذين tu vas dire le alif va devenir un ya. Il est معرب. Comme on voit وعلامة رفعه الألف نية بَتَنْ عَنِ أَبَمْنَ. Donc j'ai dit donc هَذَان وَهَاتَان. Donc ces deux-là là, c'est اسم إشارة لِلْمُثَنَّى الْقَرِيبِ الْمُذَكَّرِ. Donc c'est pourquoi le duel proche et singulier plutôt masculin. Et l'autre هاتان c'est la même chose. اسم إشارة للمثنى القريب المؤنث pour le féminin. Et j'ai dit ensuite وهما, c'est-à-dire هذان وهاتان وهما معربان. Les deux sont quoi? Variable. وعلامة رفعه, c'est quoi le signe qui nous montre qu'il est qu'il est مرفوع? Parce qu'à partir du moment qu'il est variable, si c'est un mot, il va être marfou, il va être mansou, et qu'avec lequel va être majrour. Lakin jusqu'à là, on a vu quoi? Le rafa. Il dit qu'il est marfou. Donc le signe qui nous prouve qu'il est marfou, c'est quoi? C'est l'alif. Ah ouais? Et l'alif qui est là. Niyabatan, c'est l'alif qui remplace Adamma. D'accord? Adamma, ou plutôt l'alif là, vient remplacer l'Adamma. Comme on a pu voir, l'Adamma c'est l'as. Ensuite, tu as des choses qui peuvent remplacer la dhamma. C'est quoi? On va le voir, il y a le waw qu'on a vu avec le asma seta et le alif dans le duel. Ahouna. Le waw ici, c'est quoi? C'est l'alamatu al-rafa qui montre qu'il est marfa. Le duel, comment tu connais, comment tu sais qu'il est marfa? C'est avec le Alif. Quand tu t'aimes, il s'affronte, toi. Je sais pas. Ensuite, on va voir Neyra. Oui. Pourquoi? Après, même, Kadaka, ça, vous écrivez-le, quand même, en français. Comment on forme, après, vous l'écrivez, comment on forme le duel? Comment on forme le duel? Le duel, tu le formes comment? En rajoutant au singulier le alif et le noun. Le alif et le noun. Le alif, il va remplacer quoi? La damma et le noun, il va remplacer quoi? Le tenouin. Et toi, la damma tain. Quand tu dis mous, limoun, les deux, le ou et le un, le ou, il va être remplacé par le alif et le noun dans. Par le tenouin plutôt, par le nestaki. Que ce soit au féminin ou bien au singulier. Tu rajoutes l'alif et le nom. Nafidatun, nafidatan. Deftarun, deftarun. Il n'y a pas une marque pour le féminin. Donc c'est écrit en français, Inch'Allah. La prochaine fois, d'écrire en arabe. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.